Oh maman, hier, yeah, je suis allé au casino. Non, je n'ai rien perdu et je n'ai même pas joué gros. Et puis le croupier m'a dit non, ne joue pas trop monte. Ce genre de conneries, on en devient vite accro. Les parents, faut que je vous dise que je paye jamais le métro, que je vais pas à l'école, oui que je vous fais plein de coups dans le dos. Je fais pas ça pour le plaisir, non, j'ai envie d'autre chose. Je voudrais changer ma vie contre celle des Rolling Stones. Moi je veux faire de la musique, je veux écrire et chanter bien. Et je voudrais faire pleurer les filles sur les plus jolis refrains. Moi je veux faire de la musique, je veux qu'on m'entende chez les voisins. Et puis moi le travail ça me dit rien. Il y en a assez, je suis complètement KO. Je commence à perdre la tête, un jour je deviendrai marteau. Je suis un original, oh, un fou sentimental. Je demande juste à la vie la faveur d'un sursis. Moi je veux faire de la musique, je veux écrire et chanter bien. Et je voudrais faire pleurer les filles sur les plus jolis refrains. Moi je veux faire de la musique, je veux qu'on m'entende chez les voisins. Parce que moi le travail ça me dit rien. Et moi je chanterai toutes les nuits, je partirai sur les chemins. Encore mieux je raconterai ma vie à ceux qui le voudront bien. Et puis je reviendrai par ici au gré du vent un beau matin, avant de repartir pour plus loin. Oh. Et je rêve de faire des choses magiques avec ces cordes ou un clavecin. Et même de faire trembler les vitres sur les marches avec copains. On ferait des trucs à l'électrique, on ferait danser jusqu'au matin. Parce que moi le travail ça me dit rien. Moi je veux faire de la musique, je veux écrire et chanter bien. Et je voudrais faire pleurer les filles sur les plus jolis refrains. Moi je veux faire de la musique, je veux qu'on m'entende chez les voisins. Parce que moi le travail ça me dit rien.